La nouvelle vie de Faustine. Faustine atterrit en douceur à Genève Cointrin. Sur le tapis, sa valise. Devant elle, les pages blanches du livre de sa vie. À la maison, l'accueil est morose. Maman a d'autres soucis. Cette fois, restructuration oblige, on lui a signifié son congé pour de bon. Elle prétend que l'abbé a fini par avoir sa peau. Il lui reste 3 mois pour trouver un logement. Quant à un nouvel emploi, pas la peine de rêver. Ce n'est pas à 57 ans qu'elle pourra se recaser. Boulevard de Grancy, Faustine défait sa valise, distribue les innombrables cadeaux rapportés pour papa-maman, Astrid, la fidèle secrétaire du centre, et enfin Madame Mathias, la femme de ménage. Après quoi, elle s'écroule, épuisée par le voyage, le décalage horaire, et surtout l'attente de 4 heures à Roissy avant son vol pour Genève. Quelle horreur après une nuit blanche! Si elle avait su, elle aurait pris le train. Le lendemain matin, elle savoure avec délice un petit déjeuner, avec du vrai pain, en compagnie de maman. Il lui faudra plus de 2 heures et 1 litre de café pour achever le récit de son séjour. Maman veut tout savoir, jusqu'au moindre détail. D'abord, Faustine la rassure, elle n'a bu que de l'eau, des boissons chaudes et des sodas. Cela dit, cette fois, n'en déplaise à sa génitrice, elle est bien décidée à s'investir à fond chez les alcooliques anonymes. Il en va de sa survie. Pas question de revivre l'enfer des derniers mois précédant son court passage à la métairie. Afin d'appuyer son propos, elle consulte séance tenante le planning des réunions. Il y en a une par jour, 7 jours sur 7. Pour une ville de 200 000 habitants, franchement, ce n'est pas trop. Maman approuve, elle semble moins possessive désormais, occupée à fouetter d'autres chats. Elle s'est déjà inscrite au chômage tout en recherchant activement un appartement. Avec maman, l'amorosité ne dure jamais longtemps. Incurable optimiste, elle se lance dans cette nouvelle aventure avec enthousiasme. Faustine est ravie de ce revirement de situation. Serait-elle enfin devenue adulte aux yeux de sa mère, ou n'est-ce que de l'indifférence ? Dès la première séance, Faustine retrouve Gilles. La chaleur de son sourire révèle à quel point il est heureux de la voir. Il lui confirme qu'il l'attendait et qu'il a promené la carte postale qu'elle lui a envoyée dans tous les groupes. Faustine a aussitôt un sentiment d'appartenance. Elle est très heureuse d'avoir un ami dans la place qui va motiver son assiduité. Son rétablissement est à ce prix. Gilles, de son côté, a repris le travail dès la sortie de la métairie. Son patron s'est montré compréhensif. Il a décidé de le garder à condition qu'il participe au groupe régulièrement. Faustine raconte à son nouvel ami l'expérience vécue chez les alcooliques anonymes américains. Elle mentionne sa frustration de n'avoir pu partager avec eux, de s'être sentie transparente et inutile. « Et sinon, as-tu pu faire un monde honorable auprès de tes vieux amis ?» J'ai essayé, mais en fait, je voulais juste prêcher par l'exemple, leur montrer la femme sobre que j'étais devenue. Je pensais que l'image serait plus parlante que le son. Ils n'ont jamais évoqué l'alcool. Non, nous n'avons pas évoqué le sujet une seule fois. Tacitement, ils m'ont proposé des boissons sans alcool, mais si j'essayais d'en parler franchement, de leur expliquer la maladie ou mon parcours, ils changeaient aussitôt de conversation. Ça ne les intéressait absolument pas. Était-ce leur manière de m'exempter? De me faire comprendre que tout était ok? J'ai pensé aussi que finalement, lorsque je vivais là-bas, j'ai rarement bu seul. Ils éclusaient souvent bien plus que moi. Si on était tous bourrés ensemble, c'est sûr que je ne sortais pas du lot. Est-ce que mes explications les mettaient devant une image, des attitudes d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas approfondir? Finalement, la seule différence entre eux et moi, c'est qu'ils supportent mieux l'alcool ou se cachent mieux. C'est tout. Ceci dit, à l'époque, quand j'avais trop bu, j'allais me coucher et on ne me revoyait plus. Tu crois qu'ils ont culpabilisé en se disant que c'était à cause d'eux que j'étais devenue alcoolique? Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils aient été aussi loin dans l'introspection. T'as sans doute raison. Je suis content que tu sois revenu. Je t'offre une pizza après la séance? Pourquoi pas? Je n'ai rien mangé depuis mon petit-déj. C'est pas bien ça. Souviens-toi des recommandations. Une vie saine dans un corps sain. Ne pas arrêter de fumer en même temps que de boire. Ne pas déménager pendant au moins 1 an. ne pas changer de travail et ne pas tomber amoureux, termine Faustine en riant. C'est cela, ne prendre aucun risque susceptible de causer un raz-de-marée émotionnel, vecteur de rechute. Ils n'ont pas entièrement tort, mais je pense que de s'entourer d'amis qui sont dans le même bain et de se stimuler les uns les autres en permanence est tout aussi important. De fait, leur cercle s'élargit au gré des séances. Robert, Katia, Bruno, Georges et les autres se retrouvent plusieurs fois par semaine dans différents locaux. Bientôt, Gilles instaure une soirée porte ouverte et spaghetti à gogo chez lui, tous les vendredis soirs. Pendant et après le repas, des discussions passionnées se poursuivent jusqu'au petit matin et tournent autour des petites et grandes catastrophes de la vie, des épreuves personnelles et de la meilleure manière de lâcher prise. La croyance dans une puissance supérieure à soi-même et bienveillante est également fortement débattue, certains ayant été tellement brûlés qu'ils répugnent désormais à croire en quoi que ce soit. On rit beaucoup aussi à la vue de toutes les bêtises de certains pendant leur période alcoolisée. Mais ce n'est pas tout de se maintenir sobre, il s'agit aussi de gagner sa croûte. Faustine a réactivé son dossier chez Adia, il ne lui trouve rien. Alors elle s'inscrit chez Ideal Job, la concurrence. Cette fois, elle cherche un poste fixe. Dans l'intervalle, elle accepte ce qu'on lui offre. Fin juin, on lui propose une mission de 4 mois, entrecoupée de 2 semaines de vacances en août, au Crédit Lyonnais Suisse S.A. Son nouveau patron, Monsieur B., est un homme adorable, rayonnant, visiblement amoureux de sa femme, dont le portrait souriant trône en bonne place sur son bureau. Son mot préféré est « jouissif », qu'il répète à tout bout de champ. La charge de travail n'est pas insupportable et l'ambiance très agréable. Simplement, Faustine le dira franchement à Monsieur B, d'ordinaire son salaire est légèrement supérieur. « Combien voulez-vous ?» lui demande-t-il. « 25 francs de l'heure au lieu de 22. »« Entendu, je vais faire le nécessaire. » 2 heures plus tard, le répondant de Faustine chez Adia l'appelle pour lui transmettre la bonne nouvelle. « Vous vous rendez compte? Un client qui appelle pour augmenter une employée intérimaire. C'est la première fois de ma vie que ça arrive. »« Ah ben, il y a un début à tout, » répond Faustine en riant. Chaque soir, elle soupe en vitesse avec maman au milieu des cartons, puis court retrouver Gilles et leur bande d'amis. Ils écument les groupes AA avec la même ardeur qu'autrefois les bistrots. Fait notable, beaucoup de leurs comparses n'ont pas la trentaine. Avant même de l'atteindre, ils ont pris conscience de leurs problèmes d'alcool et décidé de se rétablir. Certains ont également un problème de drogue. Ils préfèrent cependant fréquenter les alcooliques anonymes en lieu et place des narcotiques anonymes, prétendant que la charge de désespoir qui pèse sur les épaules de leurs confrères toxicomanes freine leur rétablissement. Eux-mêmes ont commencé par boire avant de toucher à la drogue, et maintenant qu'ils tentent de quitter l'héroïne ou la cocaïne, il leur faut éviter en priorité de consommer de l'alcool, sous peine de replonger. Faustine et Gilles les observent se battre avec beaucoup de courage et de détermination. Souvent, ils ont vécu une telle déchéance, délinquance, prostitution, que le chemin de la rédemption est long et difficile. Faustine s'estime heureuse de n'avoir que l'alcool à défier. Un jour, Gilles présente Faustine à sa famille. Ses parents et sa sœur tiennent ensemble un commerce de fleurs en centre-ville. Ils alimentent et gèrent également un autre magasin, plus petit, desservant Puy, banlieue richissime de Lausanne. Faustine est très impressionnée par le tempérament de la mère de Gilles. D'emblée, cette dernière exige que Faustine l'appelle Ellie, car elle ne supporte pas son vrai prénom, Elfriede. La petite sœur Myriam, qui avoue souffrir d'agoraphobie, est un personnage qui gagne également à être connu. Très vite, Faustine se laisse séduire par ces deux femmes qui l'ont adoptée, simplement parce que Gilles semble heureux en sa compagnie. Elle passe de nombreuses heures dans le magasin à refaire le monde avec elle entre 2 bouquets et 3 couronnes. En tant que commerçante, figure locale par excellence, elles font partie intégrante du tissu social lausannois. Elles peuvent gloser pendant des heures sur tout un chacun et le font avec beaucoup d'humour. Myriam s'occupe de l'administratif. Elle est très fière de travailler sur Mac et se tient au courant des nouveautés. Faustine, pour qui les Macintosh ne sont que des jouets, apprend beaucoup, mais reste fidèle à son Windows qu'elle considère plus fiable. Quant à Marcel, le père, cantonné dans sa cave, il prépare bouquets et couronnes à longueur de journée, tout en transmettant les ordres. Monsieur Gérard, lui, effectue les livraisons d'un bout à l'autre de la ville. Avant d'exercer un autre métier, c'est Gilles qui officiait en tant que livreur, ce qui explique pourquoi il connaît si bien Lausanne. Du côté de Gilles, d'ailleurs, les choses se précisent. Un vendredi soir, après les portes ouvertes spaghetti, Faustine reste seule avec lui. En cours de soirée, la conversation a porté sur les enfants. Ce qu'on a eu, ce qu'on aimerait, ce qu'on a avorté, et ce qu'on élève seul. Gilles a évoqué son premier mariage pour la première fois. Si ce mariage a foiré, c'est parce que cette gonzesse égoïste a refusé de me donner un enfant, alors que moi j'étais prêt et n'attendais que ça. Que n'a-t-il pas dit là? Ce soir-là, Faustine ne rentre pas au boulevard de Grancy. Le lendemain, samedi, tout s'accélère. Descendue au boulevard après sa nuit mouvementée, la jeune femme explique à maman qu'elle a enfin trouvé l'homme de sa vie et qu'elle emménage chez lui. Est-elle amoureuse? En fait, elle l'ignore. Mais quelle importance! Un amour, ça se travaille. L'appétit vient en mangeant, et le plus important maintenant, c'est cet enfant dont il semble avoir envie autant qu'elle. Oui, Faustine avait renoncé. Oui, elle avait abandonné l'idée. Mais cette toute petite phrase qu'il a dite l'autre soir a réveillé son obsession. C'est reparti. À partir de là, il lui en faut peu pour se croire amoureuse. Maman est bien un peu surprise de la vitesse à laquelle tout cela s'est décidé, mais en même temps, elle est contente d'avoir la paix pour déménager. Faustine promet de venir l'aider le moment venu. Puis elle fonce emballer ses propres affaires. Gilles passe la chercher un peu plus tard. La jeune femme en profite pour le présenter à sa mère. Celle-ci n'est pas insensible au charme de ce grand jeune homme dégingandé, à peine plus jeune que sa fille. Ça la changera de Maxime, qui n'avait que 7 ans de moins qu'elle-même. On ne passe pas trop de temps à se parler ce jour-là, mais on se promet de se retrouver autour d'une table très bientôt. Toujours prêt à rendre service, le futur gendre démonte les bibliothèques, transporte les cartons contenant écrans et tours d'ordinateur, ainsi que l'énorme imprimante laser et le meuble à dossier suspendu. Il s'étonne que tant de choses aient pu entrer dans une chambre de 4 mètres sur 2. Il ne sait pas encore où on casera tout cela dans son 2 pièces, même si son salon est immense. « On verra bien, » dit-il en remplissant son break. Heureusement qu'il n'y a pas, en plus, de la vaisselle ou de l'électroménager. Pendant tout le mois de juillet, Faustine fonce à la boutique de la rue Centrale pour déjeuner avec ses nouvelles amies. Chaque soir, cet été-là, le jeune couple s'investit à fond dans les groupes AA. Malheureusement, ils ont quelques soucis avec Scarlett, la modératrice en chef du groupe de la siesta. C'est une forte tête qui a un mal fou à déléguer et à respecter les règles. Gilles, Faustine, Katia, Bruno et Georges commencent à s'en agacer. Ils tentent, dans un premier temps, de convoquer une assemblée afin d'élire au moins un président et une secrétaire. Mais Scarlett ne veut rien savoir. Ce jour-là, elle est tout simplement absente. Alors, en désespoir de cause, ils se donnent rendez-vous dans un autre bistrot et décident de s'organiser pour fonder un nouveau groupe dès septembre. En attendant, ils iront voir comment les autres antennes alcooliques anonymes lausannoises fonctionnent.